Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un homme célébrissime, une forte personnalité et que l'on qualifiait dans certains milieux, au début des années 30, d'homme politique versatile, sans grand avenir. Winston Churchill. On connaît la suite. Rares sont les personnages politiques anglais contemporains qu'un élève français pourrait citer de nos jours. Winston Churchill, lui, en est un. Mais quel destin sans la guerre aurait-il connu? Ne serait-il célèbre que pour son prix Nobel de littérature en 1953? Mais l'aurait-il obtenu, ce prix Nobel? Difficile de voir comment je peux devenir plus qu'un être ordinaire, pensait Churchill jeune, mais qui disait, plus tard, il avait 24 ans, « Un jour, je deviendrai Premier ministre ». À cet homme à la fois fougueux, insouciant, intelligent, l'Université des Annales allait consacrer plusieurs conférences. La première fut assurée par Hugh Trevor Roper, professeur à l'Université d'Oxford. Conférence diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 avril 1967. « C'est un honneur accordé, mais aussi un défi lancé, d'être invité d'inaugurer une série de conférences portant le nom de Winston Churchill. Je n'ai pas eu l'honneur moi-même de le connaître. J'oserais réfléchir brièvement devant vous sur le phénomène historique de cette carrière paradoxale, en apparence si changeante, au fond si constante. Oui, paradoxale. Parce que c'est assurément un paradoxe de l'histoire, que c'est à cet homme aux idées tellement conservatrices, même archaïques, que l'Europe serait redevable de ses libertés présentes, de son espoir de progrès futur. Aujourd'hui, l'histoire ayant accordé ses droits, on réalise difficilement que pendant les années 30, on lui a reproché du côté gauche du fascisme et du côté droit de donquichottisme, de manque de jugement politique, d'opportunisme incohérent et égoïste. Heureusement, nous avons maintenant la biographie que vient de publier son fils, M. Randolph Churchill, biographie à mon avis merveilleuse, franche, lucide, richement documentée et d'une parfaite écriture. Elle nous montre d'une façon convaincante le cadre dans lequel s'est développé et en outre s'est fixé ce caractère puissant qui a refusé de s'accommoder à nos catégories formelles. M. Randolph Churchill nous révèle l'enfance négligée du jeune Winston, dont le père était dévoré d'un côté par la politique, de l'autre par la maladie, tandis que sa mère lui était, au moins avant qu'il fût célèbre, indifférente. C'est une enfance malheureuse, sans doute, qui l'a amené à s'imposer au monde extérieur, à vouloir y être remarqué. Jeune officier de l'armée, Churchill cherche toujours à faire figure, quoi qu'on en dise. Ce n'est pas seulement la quête du danger, de l'aventure. J'ai espéré, écrit-il, en tirer quelques avantages politiques. On lui donne de bons conseils. Il les rejette. Si je dois éviter des actions extraordinaires, explique-t-il, c'est difficile à voir comment je peux devenir plus qu'un être ordinaire. À l'âge de 24 ans, il le dit à tout le monde. Il deviendra Premier ministre. Quelques mois plus tard, il écrit « Aujourd'hui, j'ai 25 ans. C'est terrible à penser combien il me reste peu de temps. » Dans un monde politique de plus en plus organisé, il restera toujours un individu, même un enfant terrible. Jusqu'à 1940, après quoi tout lui est permis, l'establishment anglais, de plus en plus respectable, se méfiera de ce personnage fougueux et insouciant, avec ses interventions massives et foudroyantes, ses sources d'intelligence mystérieuses, sa petite cour étrange de collaborateurs mal définis. Assurément, Churchill était un esprit romantique qui a senti dans ses émotions intimes qu'il n'a essayé jamais de cacher, la gloire de sa patrie et de sa propre famille. On peut entrevoir, dès le commencement, un fond solide de philosophie politique. Philosophie simple, peut-être même simpliste, mais cohérente, vivante, vivifiante. Ce serait injuste de mesurer la philosophie d'un grand homme d'État d'après les idées empruntées qu'il a exprimées à 20 ans. Peu à peu, après 1918, et surtout après 1929, les illusions sont tombées. Seul Churchill a gardé les siennes. Sa foi est restée fraîche, vivante, inépuisable, jusqu'à ce qu'elle ait pu, tout anachronique qu'elle fût, ranimer un peuple et changer le cours de l'histoire. On dira, pour nous maintenant, c'est assez évident, que cette foi impériale et libérale d'un jeune aventurier souffrait de bien de lacunes. Les années 90, qui nourrissaient en Angleterre l'idée de l'empire patriarcal évoluant, nourrissaient ailleurs d'autres idées qui s'avéreront beaucoup plus tenaces. L'idée socialiste ou marxiste chez les ouvriers de l'Occident, même d'Angleterre, l'idée nationaliste chez les peuples colonisés de l'Afrique et de l'Asie, même des Indes britanniques. Je crois que Churchill n'a jamais vraiment compris ces idées maîtresses de notre siècle. Jusqu'à la fin de sa vie, je crois, Churchill n'a jamais compris les passions légitimes qui inspiraient le mouvement socialiste d'Angleterre, bien moins le mouvement communiste d'Europe, ou les mouvements nationalistes d'Asie. Et la guerre gagnée et les luttes électorales reprises, il accusera le parti travailliste d'Angleterre, les partenaires de sa coalition victorieuse, de vouloir établir une Gestapo. Il croit au progrès humain que permettent ces formes légitimes. Et c'est une foi réelle, vivante, qui jaillit claire et forte d'une source riche et profonde. En 1931, on ne lui offre pas une poste dans la coalition conservateur-travailliste. Il est isolé. Si Winston Churchill était mort en 1932, s'il avait été tué par le taxi qu'il renversa à New York en 1935, que dirait de lui l'histoire? Une personnalité fougueuse, sans doute, un homme politique versatile et intéressant, un écrivain brillant, mais, somme toute, un anachronisme, une survivance de l'âge antédiluvien d'avant 1914, qui avait déjà, à la fin de sa vie, démontré qu'il ne comprenait plus les aspirations, les forces sociales du monde moderne. Qui aurait supposé alors qu'en quelques années, ce rejeté de tous les trois partis politiques de Grande-Bretagne serait le seul qui pourrait commander à leur coalition, et qu'il y arriverait non pas, comme d'habitude dans les coalitions, par un compromis des grands, mais contre la volonté des deux grands partis, contre la volonté du roi, imposé irrésistiblement à eux tous, par celui dont on l'avait accusé de s'être fatalement éloigné, le peuple. Car c'est un fait que même au moment du désastre imminent de 1940, ni les conservateurs, ni les travaillistes au Parlement n'en voulaient. Pour les uns, il était le rebelle dont les discours formidables depuis 1931 sur les Indes, sur la traité irlandaise, sur l'Allemagne, avaient creusé un fossé infranchissable entre eux et lui. Pour les autres, il était l'ennemi de 1926 de la grève générale. Tous deux voulaient que Chamberlain cédât le pouvoir à Lord Halifax plutôt qu'à lui. C'est ce que Chamberlain lui-même recommanda au roi. C'est ce que le roi lui-même voulut. Heureusement, Halifax ne le voulut pas. Et les dirigeants parlementaires qui ne parlaient que pour eux-mêmes cédèrent à la volonté du peuple. qu'était-il arrivé depuis 1931? Ce n'est pas seulement que Churchill a vu clairement et que les autres politiques et la plupart des électeurs avec eux sont restés aveugles. C'est un fait, mais ce n'est pas une explication. Comment expliquer le fait? Ni Baldwin ni Chamberlain sont des idiots. En face des problèmes coloniaux, des problèmes sociaux, ils se sont montrés très intelligents, sensibles aux besoins du temps, et Churchill s'est montré, on doit l'avouer, moins sensible. Son isolement est très facile à expliquer. Mais l'histoire est pleine de paradoxes. Et c'est une chose paradoxale que précisément parce que Baldwin et Chamberlain avaient raison à l'égard des travaillistes et les Indiens, ils avaient tort en face de la menace nazie. Et précisément parce que Churchill avait tort envers ses autres, il avait raison contre Hitler. Baldwin et Chamberlain avaient perdu les illusions libérales d'avant-guerre, s'ils les avaient jamais entretenues. Ils se sont décidés de reconnaître que le monde avait changé. Ils ont cherché des compromis avec le nationalisme des Irlandais, des Indiens, avec le socialisme des travaillistes. Donc, à l'avènement du régime hitlérien, qui se nomme à la fois nationaliste et socialiste, ils sont en désarroi. Hitler peut être un homme cruel et vulgaire, mais ses revendications avouées sont les mêmes, à peu de choses près, que les revendications d'autres peuples vaincus et bouleversés par le chaos économique. De plus, ces hommes politiques sont infectés par d'autres idées courantes d'après-guerre. Idées wilsoniennes de frontières justes, frontières nationales, raciales ou linguistiques, plutôt que de frontières immorales, militaires, sûres. Même Lloyd George, animateur de la victoire de 1918, est revenu de sa visite auprès de Hitler, convaincu que ce démagogue autrichien n'est qu'un bon petit libéral nationaliste d'outre-frontière type gallois. Par contre, Churchill, guerrier impérialiste dont la foi reste intacte, s'oppose au national-socialisme de Hitler avec la même conviction que jadis au nationalisme indien ou au socialisme des gréveurs. Son libéralisme est d'un bien autre type. Il peut faire face directement à l'ennemi. Cet ennemi, il le connaît déjà. Il est l'ennemi du progrès humain. Jadis, aux années 90, il a vu le progrès commis à l'Empire britannique seul dans son isolation splendide. Plus tard, pour survivre à l'attaque formidable de l'impérialisme rival allemand, on a dû élargir cette base trop étroite. Ainsi, le concept de l'Empire est renforcé pour lui par le concept de la grande coalition des alliés de 1918. De la France, bastion militaire continental, des États-Unis, réserve d'industrie inépuisable. Tous deux embrassés dès lors dans le romantisme churchillien. Malheureusement, cette coalition victorieuse a manqué de magnanimité à l'heure de la victoire. Et maintenant, on doit payer le prix. On doit recommencer la lutte. Pour la recommencer, on a besoin de la même foi qu'il a soutenue pendant le passé. Cette foi que les réalistes des années 30 ont perdue, que lui seul a gardée et même ranimée d'une source nouvelle. Cette source nouvelle, c'est encore une fois l'histoire. Exclu des batailles pendant sa jeunesse dans les plaines des Indes, Churchill a lu l'histoire. Exclu du pouvoir dès 1929, il l'écrit. Ces deux phases d'études sont intimement liées. Dans la première, il a lu les Philippiques de Macaulay contre son ancêtre. Dans la seconde, il s'est mis à les corriger, à écrire sa grande biographie de Malbrook. C'est une œuvre de piété familiale, une œuvre aussi d'érudition et de littérature. Mais c'est également, par hasard, une œuvre politique. Le Churchill qui fait face aux premiers empiétements d'Hitler et l'historien qui s'est plongé de nouveau dans le passé de son pays, qui en a vu la mission séculaire comme garant par le moyen des grandes coalitions alliées des libertés européennes contre les ambitions de tyrans continentaux successifs. Les autres, les Baldwin, les Chamberlain, ne connaissaient pas beaucoup l'histoire. Leur propre siècle était le seul qu'ils connussent. Et puisque ce siècle n'avait pas jusque-là produit un phénomène comme Hitler, ils ne pouvaient pas comprendre un tel phénomène. Cette démagogie vulgaire, cette cruauté répugnante, cette idéologie barbare, disait-il, ne pouvait être qu'une écume accidentale, que le produit des circonstances, des nécessités tactiques. Au fond, Hitler était assurément un homme politique raisonnable comme eux, aux intérêts limités, concrets, qu'on pouvait isoler pour marchander avec lui. Ainsi, ils se sont trompés. Mais Churchill, qui a vécu dans le passé, qui a connu dans leur siècle reculé les terribles simplificateurs des âges révolutionnaires, a vu plus loin. Il a reconnu le type. Il ne s'est pas trompé. Ainsi, de deux côtés, pendant les années d'isolement, la foi de Churchill s'est nourrie. D'un côté, elle s'est nourrie des idées impérialistes et libérales de la fin du siècle dernier. Idées d'un progrès continu garanti par l'Empire britannique. De l'autre côté, elle s'est nourrie de l'histoire dans laquelle il a vu ce progrès menacé par les grands conquérants militaires d'Europe et toujours sauvé par une grande coalition dirigée de l'Angleterre. Contre la menace nazie, ces deux courants se sont mêlés, et la conviction qui en résulte lui donne cette force d'esprit immense qu'il a fait pendant les 10 années 35 jusqu'à 45, le prophète, le héros, le sauveur du monde libre. Dans un passage brillant de ses mémoires, Churchill a décrit l'esprit de résistance qui, au moment du débâcle de 1940, a parcouru la Grande-Bretagne. « It fell to me to express their sentiments on suitable occasions. This I was able to do because they were mine also. » Comme l'a dit Sir Isaiah Berlin, ces phrases splendides ne rendent guère justice à l'auteur pour le rôle que lui-même a joué comme créateur de cet esprit héroïque qui, pour le moins, sommeillait jusqu'à ce qu'il l'ait éveillé. S'il a pu l'éveiller, c'était, je crois, non seulement parce qu'il fut le prophète qui a tout prévu, mais aussi parce qu'il a pu insérer dans une résistance qui était au fond dans le peuple anglais animal, une résolution stolide et sourde de ne jamais se soumettre à une telle tyrannie, une philosophie positive, un mythe. Pendant toute la guerre, dans ses grands discours, Churchill a révélé la philosophie simple, presque naïve, qui en était l'inspiration et le soutien. Il a parlé de la montée de l'humanité qui est sortie des vallées tristes du passé et tâtonne vers les hauteurs riantes de l'avenir. Montée dont la continuité est garantie par les institutions libres, traditionnelles, voire anglaises. Pour lui, l'agression allemande n'est pas seulement une lutte pour le pouvoir mondial, c'est une tentative maléfique pour renverser cette marche en avant, pour mettre en revers son mécanisme, pour imposer de nouveau sur une humanité pleine d'espoir la servitude à laquelle elle a déjà dit échapper, pour renouveler, comme il l'a dit, les siècles obscurs et les rendre encore plus sinistres et peut-être plus durables par la lumière d'une science pervertie. Cette philosophie fait de Churchill, si peu qu'il le parlait, momentanément une figure idéologique. De ses idées romantiques, il a créé une mystique grâce à laquelle il a transformé et exalté l'esprit d'une nation. En 1940, Churchill jouissait d'un pouvoir charismatique tel qu'ont exploité les grands dictateurs de l'histoire. Harry Hopkins, arrivé à Londres en envoyé personnel de Roosevelt, écrivait que le peuple se pressait autour du Premier ministre pour toucher la bordure de sa robe. Mais, comme dit encore Sir Isaiah Berlin, ce fut la réussite unique et inoubliable de Churchill que de créer cette illusion nécessaire dans le cadre d'un système libre sans le détruire, sans même le tordre. En ce faisant, en ne se servant de ce pouvoir charismatique que pour agir en premier ministre du roi dans un système parlementaire traditionnel, il a démontré la force de sa propre conviction que le système parlementaire anglais était vraiment le meilleur du monde. Il l'a montré encore une fois en 1945, quand il s'est soumis au jugement, pour lui stupéfiant, de l'électorat anglais et s'est démis à l'heure même de la victoire du pouvoir qui avait sauvé l'Europe. On peut comprendre le choc qu'a été pour Churchill sa démission du pouvoir. On peut aussi comprendre les raisons des électeurs. Pour lui, la guerre et la paix étaient continues. Il a fait la guerre non parce qu'il était un spécialiste de la guerre, un des plus grands ministres de la guerre qu'ait connu l'histoire, mais parce que, selon sa philosophie, la guerre qu'on aurait dû et pu éviter était une interruption du progrès paisible. Après avoir débattu l'ennemi, après l'avoir contraint à reconnaître qu'il n'y a aucune alternative au système établi, on doit pardonner le passé, garantir l'avenir et continuer le progrès interrompu vers les hauteurs riantes. Et il était sûr que lui-même était également capable de le faire. Le peuple anglais, qu'il a accueilli, même adoré comme l'incarnation de la résistance, l'organisateur de la victoire, ne partageait pas les idées déjà anciennes qui étaient pour lui l'inspiration nécessaire de cette œuvre herculéenne. Il ne partageait pas, au milieu du XXe siècle, les idées impérialistes du temps de la reine Victoria. Quoi qu'il n'en ait parlé que d'un ton digne, discret, ironique, Churchill a été bouleversé en 45 par l'ingratitude qui l'a empêché d'achever sa propre œuvre. Mais peut-on dire que les électeurs avaient tort? Si j'ai bien compris les sources de son inspiration, de sa force de travail inépuisable, de son éloquence magnifique, de ses gestes souvent flamboyants, toujours généreux, il vivait dans un monde philosophique éloigné des réalités présentes. Pendant quelques années, au moment du danger extrême, lui et le peuple anglais, lui et les restes du monde libre, lui et tous les peuples abattus se sont tenus embrassés. Leur sublime s'était amalgamé. Mais une fusion si sublime ne peut ni ne doit durer toujours. Le danger passé, on redescend vers la terre solide et on retrouve les idées distinctes qu'a fusionné l'extase de ce moment perdu. Pourtant, quel moment dans l'histoire mondiale? C'est une leçon à ne jamais perdre de vue. Plus on admet l'archaïsme des idées générales churchilliennes, Plus on doit reconnaître que le progrès humain ne dépend seulement des progressistes patentés. Il y a des moments dans l'histoire où les idées dites réactionnaires ont sauvegardé l'avenir plus que les idées dites progressistes. Peut-être en disant ceci, je ne démontre que mes propres préjugés, préjugés d'historien. L'historien s'intéresse au passé, c'est son métier. Mais j'ose dire que celui qui a un sens du passé peut avoir aussi un sens de l'avenir, tandis que ceux qui se séparent du passé, qui se vantent d'être modernes, réalistes, de ne vivre que dans le présent, peuvent bien s'aveugler quant à l'avenir. Je me souviens d'un mot de Churchill pendant la guerre. Un de ses critiques parlementaires a dit que le gouvernement, pour écouter la voix populaire, doit tenir l'oreille toujours près de la terre. Je crois, a répondu hautement le Premier ministre, que le peuple anglais aura des difficultés à respecter des gouverneurs qu'il surprend dans une posture tellement inélégante. C'est précisément parce qu'il a refusé de s'incliner devant les façons de penser nouvelles, parce qu'il a nourri sa foi d'idées générales, d'idées puisées dans l'histoire passée, que Churchill a pu, à un moment décisif, s'imposer à l'histoire, même renverser ce courant de l'histoire que quelques historiens progressistes croient être déterminé. Oui, renverser. J'avoue que quand je lis les libres propos de Hitler sur le nouvel ordre qu'il a failli d'établir en toute Europe, ce terrible croquis d'un monde déhumanisé et asservi. Et quand je me demande ce qui aurait arrivé en Europe s'il n'y avait pas en Angleterre ce grand isolé aux idées réactionnaires, s'il n'y aurait que d'hommes d'État modernes, progressistes, avec l'oreille près de la terre, je m'effraie. Assurément, le monde d'aujourd'hui serait bien différent. Et ce serait un discours bien différent du mien qu'écouterait dans un lieu rebaptisé une assistance bien différente de celle-ci. C'était les grandes conférences, conférences données dans le cadre de l'Université des Annales, Winston Churchill par Hugues Trevor Roper, première diffusion sur France Culture le 14 avril 1967. Vous pourrez réécouter cette conférence en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.